bonjour. Donc, je suis très content que Oussam et les réfugiés aient pu venir parmi nous parce que bon, c'est vraiment une lutte sœur. Et que même Oussam, vous avez sans doute dû le savoir pendant le débat, il va être jugé le 9 novembre. Donc il va falloir qu'on soutienne cette répression de la solidarité que le gouvernement met en place. Et c'est donc sur un sujet un peu voisin que je voulais intervenir parce que j'ai élaboré pour Nuit Debout un calendrier de convergence des luttes. Tu peux appeler Gilbert, s'il te plaît. Un calendrier de convergence des luttes que vous pourrez avoir là et dans lequel j'ai personnellement estimé important de... Tu peux ramener les tracts ? D'annoncer le fait que mercredi 21 septembre, c'est la journée européenne de lutte contre les discriminations religieuses. Et aussi, à Paris, il va y avoir un débat organisé par les intellectuels réactionnaires comme la nana qui fait le journal Causeur ou Finkielkraut, enfin ceux qui font le printemps républicain, où en fait... leur entreprise consiste à casser du sucre sur le dos des musulmans. Et en fait, il y a un collectif sur national qui organise un débat mercredi à 21h à Confluence, donc dans le 20e, pour parler de la nécessité de se solidariser en gros des musulmans dans l'oppression dont ils sont actuellement victimes de la part de l'État. Et donc je vais un peu vous développer à mon avis pourquoi il y a une oppression particulière à leurs propos, mais pour faire le lien entre le débat qu'il y a eu juste avant et le débat que je vous propose d'avoir maintenant, je vais vous dire que moi je suis aussi membre d'un réseau juif antisioniste international dans lequel on a fait un débat il y a quelques années où on a parlé des différents génocides parce que le génocide dont les juifs et les tziganes d'ailleurs et les homosexuels aussi ont été victimes de la part des nazis n'est qu'un des génocides dont l'humanité est coupable. Et on parle peu par exemple du génocide des Amérindiens en Amérique du Sud. Quand la colonisation est arrivée, ils ont tué 90% de la population amérindienne. On parle peu aussi de l'esclavage. Et en fait, en essayant de mutualiser toutes ces mémoires de différentes sortes de victimes, on est arrivé à une leçon concernant les génocides, qui est que à chaque fois, quand il s'agit de génocides entrepris par des États, c'est quelque chose qui est construit politiquement et progressivement et qui passe par une déshumanisation progressive d'une partie de la communauté. Et quand la police, avec les réfugiés qui sont à Jaurès, elle leur tape dessus devant aux yeux et au-dessus devant tout le monde, je pense que l'État français aujourd'hui est en train de faire une grande opération de propagande pour l'extrême droite. Et ils adoptent déjà des attitudes d'extrême droite en déshumanisant une partie des gens qui sont parmi nous. Donc ça, c'est ce qu'ils font à l'égard des réfugiés. Je pense qu'on a aussi affaire à une entreprise de déshumanisation des musulmans, comme encore des Roms d'ailleurs. Mais là, je parle spécifiquement des musulmans parce que hier, quand j'ai distribué ce calendrier de convergence des luttes, il y a une camarade de Nuit Debout qui a fortement réagi en disant non mais il peut pas y avoir de racisme contre une religion, en gros en niant le fait qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est pour ça que j'ai estimé, oui mais tu peux intervenir en t'inscrivant, mais je peux finir mon introduction. Je vais encore faire 5 minutes. Mais pour déployer mon argumentation, je pense que à partir du moment où le mur de Berlin s'est effondré, ils ont, y a des idéologues, notamment, son nom m'échappe à l'instant, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le choc des civilisations, Samuel Huntington. Et donc, en fait, c'est bien une idéologie, une sorte de... Comme le, à mon avis, il y a un capitalisme international qui s'occupe de récupérer des matières premières pour pas cher et qui pour ça fait des guerres. Et il fait des guerres dans les pays du Sud et il tue des millions de gens. Et en Occident, il délégitime ces personnes. Donc pour moi, il y a un lien entre l'impérialisme à l'extérieur et le racisme à l'intérieur. Et par rapport aux musulmans, ils ont décidé que c'était une de leurs cibles. Et il faut savoir que l'Occident a aussi désarmé, entre guillemets, le nationalisme de gauche dans le monde arabe en finançant des oppositions islamistes radicales en Afghanistan, par exemple, et que en finançant Al-Qaïda au départ, etc., et qu'ils ont une sorte de jeu très trouble d'instrumentalisation de forces musulmanes intégristes pour confessionnaliser les conflits et empêcher les alternatives progressistes de menacer des régimes favorables à l'Occident. Et donc, ça c'est un peu le point de vue global, mais en France, comment s'est faite cette déshumanisation des musulmans? Ça s'est joué, alors la toute première... occurrence de ce problème, moi je la note en 84 quand il y a eu des usines à Talbot et que Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, a dit cette grève à Talbot, c'est une grève de musulmans. Une grève chiite. Donc ça c'est un... On a un spécialiste du sujet avec moi. Et donc ensuite il y a eu les lois sur le foulard qui ont consistait à pervertir la laïcité à la française et au nom de quelque chose qui était un principe de paix sociale, à savoir l'État est indépendant des religions et les gens, ils ont le droit d'avoir chacun leur confession, on a changé la définition du terme en disant que désormais, les usagers des services publics, ils devaient masquer leur religion pour pouvoir bénéficier des services publics. Et donc ça, c'est une modification qualitative de la laïcité qui fait que ça n'est plus la même chose qu'avant. Et donc il y a eu cette loi en 2004. Depuis, il y a une série d'offensives juridiques contre les mamans voilées qui pouvaient pas... S'il vous plaît, on peut s'éloigner. Il y a eu d'autres offensives avec accompagner les mamans voilées dans les sorties d'école, aussi exclure les nanas des crèches, que les femmes voilées ne seraient plus aptes à garder les enfants dans les crèches. Et il y a un dernier truc dont je voudrais parler pour parler de cette entreprise de déshumanisation des musulmans, c'est quand il y a eu les attentats du 11 novembre. Juste après, l'état d'urgence a permis à l'État français d'aller arrêter 2500 musulmans, ou en tout cas de faire des perquisitions extrêmement violentes. Il y a une femme enceinte qui a perdu son bébé. Pour vous donner un autre exemple, il y a une mosquée à Aubervilliers où la police voulait intervenir parce qu'il y avait soi-disant des terroristes là-dedans. Il y a le maire qui était avec eux qui leur disait « j'ai la clé de la mosquée ». Ils ont dit « non mais on n'en a pas besoin ». Et ils ont défoncé la porte à coups de pied et ils sont rentrés dans la mosquée en tant que CRS. Donc il y a eu des actes avérés de provocation à l'égard des musulmans par l'État français à ces moments-là. De même que quand ils ont lancé les émeutes dans les banlieues en 2005, ils ont fait des choses du même genre. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment de la part de l'État français une volonté de discriminer particulièrement les musulmans. Et c'est un des thèmes sur lesquels... Il me semble que pour construire une alternative politique qui défende tous les opprimés, eh ben on doit être capable d'avoir un discours sur cette question. Alors maintenant, c'est les intervenants. Enfin, c'est qui prend les tours de parole? Non. Tour de parole. Vas-y, fais un complément. Non, mais... Bah moi, je ne savais pas que Daniel allait parler de ça avant. Simplement, très très vite, trois points. Par rapport à la définition du terme, parce qu'il y a justement la France est le seul pays d'Europe où on débat encore du mot. Donc la France est le seul pays d'Europe où on débat encore du fait d'utiliser ou pas le mot islamophobe. Ah, vas-y, continue. On peut pas le virer ? Donc on peut. Donc la France est le seul pays d'Europe où on débat du mot islamophobie. Hein, c'est pas le cas ailleurs. C'est un mot qui, comme n'importe quel concept sociologique, a des vertus, mais aussi des défauts. Il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de le dire. Il y a une définition qui est bien. Il y a eu un bouquin qui est sorti, qui a été fait par Abdelali Ajat et Marwan Mohamed, qui sont deux sociologues. Et une des définitions, c'est processus d'altérisation et de racialisation complexe qu'ils étudient à travers l'histoire et dont la conséquence est de notamment nier l'égalité. Et je pense qu'ici, on est dans un endroit où normalement on est censé le remettre à l'ordre du jour, et pour ça il faut essayer de faire des ponts. Or justement la question de l'islamophobie, comme la question de la négrophobie, comme celle de la robophobie, enfin les différentes occurrences du racisme. S'il vous plaît, tout le monde, Éduque Pop, c'est vous laisser parler la personne, après vous parler. Merci. Il s'agit juste de dire que, en tout cas, de mon point de vue, c'est que mon point de vue, il y a eu quand même un boulot fait depuis 30 piges sur les héritiers de la colonisation qui a divisé les gens, qui les a opposés, et qu'aujourd'hui, il y a des conditions de possibilité au fait qu'on puisse se retrouver. Et que aujourd'hui, les gens qui sont ici se saisissent de la question des violences policières, comme le fait qu'ils se saisissent de la question des peut-être des guerres de la France ailleurs, comme le fait qu'ils se saisissent de la question de l'islamophobie, c'est une des conditions, en tout cas à mon avis, de possibilité pour qu'on puisse remarcher ensemble et être un peu moins faible, parce que je crois fondamentalement que si la gauche française avait pas aboyé avec les loups au milieu des années 2000 ou ailleurs, eh ben on aurait été peut-être un peu plus à lutter contre la loi Macron au moment du 8 mars. Eh ben il y aurait pas eu deux manifs et du coup on aurait pu lutter plus efficacement contre le sexisme en France. Et on lutterait plus efficacement contre l'état d'urgence. Or, c'est pas le cas, parce que moi, depuis l'état d'urgence, concrètement, parce que je suis un musulman d'apparence, comme dirait Sarkozy, j'ai été contrôlé 11 fois, ce qui est le cas de beaucoup de mes copains qui sont très militants. Voilà, et j'ai été contrôlé au moins autant pour ce que je suis que pour ce que je fais. Et que ça c'est pas été intégré par des gens, ça nous affaiblit face à l'État, face à Manuel Valls, et que tant qu'on comprendra pas ça, on créera les conditions de possibilité d'être minoritaire, et on aura face à nous les conditions de la défaite, alors que avec quelques petits pas de fait qui coûteraient pas cher, on pourrait vraiment se donner les moyens de leur faire peur. Merci à toi. Bonjour, moi je suis un koufar, ça veut dire un mécréant. Moi, je crois pas en Allah et je suis pas islamophobe, parce que la phobie, c'est une maladie. Je suis pas malade. Je suis contre l'islam et contre toutes les religions, sans exception. Et je crois qu'il y a un problème avec l'islamophobie, parce que sous ces mots, on veut mélanger que le racisme et la lutte contre l'islam, c'est la même chose. C'est pas vrai. L'islam a été toujours l'ennemi de la gauche depuis la révolution iranienne, où tous les gens qui supportaient Bani Sadr étaient exécutés, jusque les assassinats de la gauche en Tunisie, où deux parlementaires étaient assassinés par les islamistes. Et jusqu'à l'année dernière, où ici en France, les islamistes ont assassiné plus de 200 personnes. On ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas ignorer ce que représente la religion comme erreur et comme terreur partout dans le monde. On ne peut pas ignorer que la religion juive, par exemple, dit, et je vous cite le troisième tome de la Bible, quand les Juifs retournaient en Israël après avoir été en Égypte, leur Dieu les dit, allez, rentrez et assassinez tout le monde. Et ils ont commencé à assassiner tout le monde, c'est écrit dans la Bible. Et quand ils arrivent à un passage où Dieu les dit aux Juifs, assassinez tout le monde, femmes et petits enfants, moi j'ai demandé au rabbin, mais pourquoi les petits enfants doivent être assassinés? Alors il me raconte la même merde, et bon, les chamans de Dieu sont impénétrables et tout ça. En fait, les juifs religieux d'aujourd'hui assassinent les Palestiniens. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Je vous rappelle ici toutes les milliers et des millions de morts qu'a produit chaque religion. La religion est un fléau de l'humanité. Il n'y a aucune religion qui tient la route parce que la base de la religion, la croyance en cet être invisible qu'on voit nulle part, c'est faux. Alors, je voudrais bien que la gauche ici en France comprenne deux choses. Première chose, qu'il ne faut pas mélanger les gens qui viennent de Maghreb avec les musulmans, parce qu'il y a plein de gens qui viennent de Maghreb qui sont athées, qui ne croient pas dans tous ces caca. Et deuxième chose, que la lutte contre la religion doit être toujours une constante de la lutte qui mène contre le capitalisme. Parce que le capitalisme et la religion sont alliés et étaient toujours alliés. Alors merci. Donc à toi, Malanjo. Bonjour. Ce que vient de dire, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire notre élocuteur. Là, et je voudrais dire, lorsque j'ai voulu t'interrompre, mon ami, qui faisait ta remarque, c'est juste pour te faire cette remarque. C'est-à-dire que si toi, avec la tête que tu as, tu mets juste une kippa sur la tête, tu passes inaperçu. Et moi, avec la tête que j'ai, je peux rien faire, je suis mort déjà. Donc, il y a des choses qu'on peut pas mélanger. Donc, en fait, ce que je voulais dire aussi, et pour revenir avec ce que disait le collègue qui parlait juste avant moi, c'est, je me demande si les êtres humains sont des extraterrestres venus sur Terre pour niquer tout le monde, ou si ce sont des terriens, des vrais terriens, qui se sont laissés imposer par des extraterrestres et manipulés comme des pantins par des super objets magnétiques qu'utilisent les extraterrestres. Avant, nous avions des guerres de religion. C'est-à-dire que les religions, c'est l'outil politique, économique, social, spirituel et militaire d'un peuple. Et donc, avant qu'on ait les partis politiques aujourd'hui, il y avait des partis religieux. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des partis politiques. Comment nous avons des partis politiques? Parce qu'il y a des gens, je sais pas, des commerçants, des banquiers, je sais pas qui, de l'oligarchie, qui ont viré les religions et qui ont pris leur place. Et donc, de là, les religions sont descendues d'un cran, même si elles ont quand même un pouvoir parce que les banquiers les utilisent, parce que, grâce aux religions, les gens, bon, ils se tapent dessus, tout à l'heure, on a parlé de chiites. Imaginez qu'ils sont de même confession, c'est-à-dire que ce sont des musulmans. L'autre, les chiites, l'autre, ils wahhabites, l'autre, les ceci, l'autre, les cela, ils se tapent dessus. Les autres sont protestants, catholiques, adventistes, ils se tapent dessus. Donc, même si on a dépassé la politique religieuse, on l'utilise quand même pour foutre la merde. Maintenant, on est aujourd'hui en 2016, où on essaye, les gens, ils ont des... tout le monde a internet, tout le monde a des outils de communication de fous malades, et on commence à découvrir, comme le dit monsieur, la supercherie de la religion. Si vous lisez la Bible, si vous lisez ces livres-là, mais chaque page vous dites, mais comment on a pu écrire ça? Comment les gens qui ont lu ça avant moi ont pu gober des textes où c'est pas crédible, ça se contredit à toutes les pages, et ça a aucun sens. Dieu crée la femme de la côte d'Adam, Adam l'appelle femme parce que lui était son mari. Ok, on était tous les deux sur terre, tout seul, mais fallait que j'épouse la femme parce que je serais son mari. Il n'y a personne d'autre. En fait, à un moment donné, soit on est des êtres humains et on récupère notre cervelle. Est-ce que quelqu'un peut les aider là? Parce que là, je crois que c'est n'importe quoi. Il faut expliquer la situation, s'il vous plaît, parce que ça devient désagréable. On est au micro, est-ce qu'on peut expliquer la situation? Ça devient désagréable. Continue, continue, on gère. Non, mais vous êtes plusieurs à régler le truc, si ça part en couille. Donc, la problématique, elle est qu'aujourd'hui, le système oligarchique banquier, qui, dominant le monde, parce qu'il dominait des couillons, a un problème parce que certains couillons sont en train de se réveiller. Certains couillons se réveillant, ça pose des problèmes philosophiques et des problèmes de pantagonistes, c'est-à-dire on n'arrive plus à les mener à la baguette comme on le voulait. Et tous les poisons qu'on met dans leur bouffe, c'est en prenant leurs impôts, comme on disait hier, hein, plus tu prends les impôts des gens, plus ils sont obligés de bouffer de la merde et plus ils sont malades. Donc, cette problématique, il faut qu'ils l'arrangent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent de nouvelles guerres de religion en finançant certaines religions, certains systèmes politiques, religieux, pour dire que après, comme ils sont, ciblés, c'est pas bien, il faut soutenir les religions, donc les chrétiens, eux, ils remontent, et on va soutenir les musulmans qui sont agressés, les chrétiens deviennent chrétiens, donc vont soutenir les chrétiens agressés, ainsi de suite, et donc on réutilise la guerre de religion pour bien mettre à soumettre le peuple une bonne fois de plus. Parce que, avec le système oligarchique, on peut un peu penser, on est un petit peu libre. Mais avec le système religieux, c'est soumets-toi. Soumets-toi à la puissance et à la force de Allah. L'autre, c'est quand je te frappe la joue gauche, tends la joue droite. Le troisième, c'est nous sommes le peuple élu. Nous sommes destinés à avoir un empire terrestre, ou je sais pas où, et vous devez nous obéir. Donc, le système religieux est le meilleur système pour pourrir la tête de l'homme et pour le soumettre. Et donc là, on en arrive à une ère où tout le monde va défendre tout le monde au droit. Comme je dis, on demande aux femmes africaines d'aller nager à la plage en pyjama. Et sous peine de laïcité, de liberté, on leur dit, elles disent elles-mêmes, laissez-nous le droit d'aller nager à la plage en pyjama. De ressembler à des méduses à l'intérieur et des sacs à patates quand on sort. Pourquoi? Parce que la liberté nous l'impose. Et donc, on en arrive à ce que nous-mêmes, on se remette en question. C'est-à-dire, comme avant, on se fait nous-mêmes des guerres, c'est-à-dire qu'avant, quand il pleuvait pas, c'est parce que la femme de tel voisin avait trompé tel mari. Et donc on allait tuer la femme de tel voisin qui avait trompé son mari, parce que c'est à cause de ça que Dieu y pleuvait. Donc on arrive à revenir à ce système où nous, entre êtres humains, on va se refaire la guerre parce que on respecte pas tel truc, telle notion, tel machin, et si cela. Donc le pouvoir religieux est en train de reprendre et est en train de redevenir égal au pouvoir oligarchique banquier. Et peut-être que le pouvoir oligarchique banquier va laisser le religieux prendre le dessus pour soumettre le peuple à la religion, mais du moment que lui, il récupère l'argent et la domination. Donc, soit on est couillon et on rentre dedans, ou soit on se parle les uns les autres et on se dit, on arrête ces conneries, qu'un Algérien et un Malien, c'est pareil, qu'un Malien et un Français, c'est pareil. Merci. Donc maintenant, il y a Jacques qui va prendre la parole. Merci. Bon, loin de moi l'idée de défendre les religions, hein, mais je trouve que l'intervenant précédent avait un peu généralisé hâtivement ce phénomène de violence des religions. Il y a beaucoup de gens, pas dans mon cas, mais je connais des gens qui ont une religion et qui pour eux, la religion est une manifestation de paix. Bon, ça existe. Hein? Alors, je trouve qu'il ne faut pas se tromper de cible. Les problèmes, on décale les problèmes sociaux vers les problèmes religieux. C'est pour dire qu'on ne veut pas parler des problèmes sociaux. Quand on parle de ces jeunes dans les banlieues qui vont faire la lutte avec Daesh, là, qui ont été radicalisés, dit-on, par des imams salafistes ou autres, hein? Qu'est-ce qu'on cache là-dessus? On cache le fait que ces jeunes de banlieue, on ne leur offre pas de perspective. Quand ils sortent du lycée, ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Ils font des dizaines de curriculum vitae, des dizaines de lettres de motivation, ils ne trouvent pas de travail. Ils sont repoussés. Hein? Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se radicaliser. Il ne faut pas croire, si ce n'était pas la religion, ça serait autre chose. Alors, le fait de montrer du doigt l'islam, ça n'a qu'un but, c'est de diviser les gens, de diviser tout ce qui peut faire du collectif. Jacques Généreux a très bien décrit ce phénomène dans son bouquin « La grande régression » que je vous recommande. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, contre le fait qu'on cherche à nous diviser. Voilà ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec cette intervention. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais intervenir aussi. Je pense que l'objectif de tous les pouvoirs, c'est de diviser pour régner. Là, je vais faire un petit rappel historique, entre guillemets, un petit peu sur les luttes de l'immigration dans les années 80. Il y a eu la marche pour l'égalité en 83, après il y a eu Convergence 84, et le pouvoir redoutait énormément l'auto-organisation des jeunes issus de l'immigration, notamment dans les banlieues. Et qu'est-ce qu'a fait le pouvoir de l'époque? Il a favorisé, il a favorisé effectivement les associations islamiques, pour effectivement reprendre le contrôle un petit peu des jeunes dans ces quartiers. Alors là, on voit effectivement que parfois le pouvoir utilise une religion pour asseoir un petit peu son pouvoir contre l'auto-organisation des jeunes. Et puis autre rappel historique, je pense que c'est un débat aussi qui, justement, le pouvoir fait toujours tout pour diviser les gens. Rappelez-vous 2003, grosse manifestation, grosse mobilisation par rapport à la mise en cause des retraites, notamment dans la fonction publique, et il y avait une grosse mobilisation du corps enseignant. Qu'est-ce qu'on a vu juste derrière, quelques semaines après ces grandes mobilisations? Un débat foireux sur le voile. Et je vais rebondir sur le dernier mouvement, enfin qui n'est pas fini, par rapport donc à la loi travail. Qu'est-ce qu'on a vu pendant les vacances, le temps que les mobilisations s'essoufflent un petit peu et avant de rebondir maintenant? On a vu ce fameux débat à la con sur le burkini. Là, on voit effectivement, c'est que le pouvoir utilise des ficelles. Alors, parfois en favorisant effectivement l'aspect religieux des choses, ou alors en stigmatisant une religion. Mais quand tu stigmatises une religion, c'est pas la religion en tant que telle qui va favoriser. Parce qu'effectivement, toute religion, quelque part, elle a un caractère autoritaire quelque part. Mais c'est les personnes qui sont, désignées comme telles. On peut avoir effectivement des personnes qui vont être désignées comme musulmans, alors que ces personnes peuvent être athées ou agnostiques. Mais par contre, effectivement, elles seront désignées comme personnes musulmanes. Donc il faut vachement faire attention, effectivement, sur les intentions du pouvoir. Alors on peut toujours questionner le mot islamophobie, par exemple. Pourquoi pas? Il ne faut pas tomber, effectivement, dans ce piège que, en voulant combattre la stigmatisation d'une catégorie de la population, tomber dans la défense d'une religion. Ça, bien sûr, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège inverse, que dans un certain milieu dit radical, etc., un microcosme, où on est en train de nous faire un barouf sur tous ceux qui combattraient l'islamophobie seraient des traîtres au fait qu'ils rejetteraient la lutte des classes. Enfin, on a des gens comme ça dans le milieu d'extrême-gauche qui sont effectivement sur ce genre de dérive. Donc je pense que on peut questionner le mot islamophobie, mais il faut absolument effectivement retrouver l'unité que le pouvoir cherche à nous diviser et faire en sorte effectivement de se battre contre tous les racismes et se battre effectivement pour retrouver le chemin de la lutte, et notamment ce qui est fondamental, c'est les luttes sociales. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Tim, rapproche-toi pour faire ton opposition radicale, s'il te plaît. Alors moi, c'était juste pour rebondir l'intervention précédente. Ça rejoint un peu son idée, sauf que l'islamophobie a été inventée après tout ce que la religion a déjà causé comme dégâts sur cette terre, tout simplement pour que nous puissions nous tourner sur une sorte d'ennemi imaginaire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment notre véritable adversaire. Il essaie de créer plusieurs adversaires pour pouvoir, comme il dit, nous diviser. Et le véritable adversaire, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est pas l'islamophobie ou c'est pas les autres religions. C'est ceux qui nous gouvernent. Eux, ils s'en foutent des religions. Eux, ils nous regardent et ils se marrent. C'est ça le truc. Voilà. Merci. Alors maintenant, il y a Daniel Ousmane qui vont parler. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce qui me ferait peut-être le plus réagir, c'est l'intervention de Jacob, parce que on se connaît, on sait qu'on est frères dans la lutte, globalement, Mais par contre, on a un gros désaccord dans la manière de comprendre les religions et la manière de se positionner par rapport à ça. Et donc, je voudrais dire plusieurs choses. C'est que sur la question des religions, il ne faut pas être littéraliste. Il faut pas il est toujours facile d'extraire certains extraits des textes religieux et de permettre d'en sortir soit que ce sont des horribles salopards, soit que ce sont plutôt des gens généreux et pacifiques. Parce que les idéologies religieuses ont été créées il y a quand même plusieurs centaines d'années, à des époques où il n'y avait pas toute la science, etc. Et à l'époque là, pourquoi ces discours ont-ils survécu par-delà les siècles? C'est parce que c'est des idéologies contradictoires, mais qui sont utilisées de manière différente en fonction de la classe sociale de ceux qui en parlent. Et c'est en même temps, les religions peuvent en même temps être, comme il disait Marx, le soupir de la créature opprimée. Par exemple, on peut avoir la théologie de la libération chez des chrétiens en Amérique du Sud dans les années 70-80, qui était une fusion du christianisme et du marxisme pour les opprimés. Ou on peut avoir aussi, quand on va du côté du Hezbollah, des gens qui en même temps ont leur foi et en même temps sont sur la défense de la nation libanaise par rapport au sionisme. Et donc qui est aussi quelque chose de progressiste. Et parallèlement, on peut aussi avoir des gens qui instrumentalisent les idéologies religieuses au service de l'oppression, au service de la domination. Donc les religions sont des objets idéologiques contradictoires. Ce qui compte, c'est d'avoir une analyse de classe. Et c'est pour ça que j'ai ramené ce petit bouquin, s'il y en a qui veulent le regarder, parce que c'est un bon exemple sur la question. Ça, c'est une chose. Après, sur la question de l'athéisme militant, je reviens encore sur ce qu'a dit Jacob. La Révolution française a dégagé le pouvoir du clergé et a imposé la constitution civile du clergé aux prêtres. Ensuite, il y a eu une frange du mouvement social, les hébertistes, qui ont été dans l'athéisme militant. C'est-à-dire, il s'agissait de combattre la foi et d'interdire son expression. Et cela a été analysé à l'époque comme une déviation, alors que les opprimés et les exploités, leur revendication fondamentale, c'était le partage des terres. Ils étaient sur une question sociale, et on leur a inspiré un antagonisme religieux pour ne pas se battre sur les questions sociales. Un peu comme en 2003, le mouvement des retraites, en 2004, pour les profs, la loi sur le foulard. C'est une technique classique. Donc, à ce propos-là, moi, je suis personnellement athée, d'accord ? Donc, je pense effectivement que ces textes religieux font partie du patrimoine culturel de l'humanité avec leur beauté et leur laideur, mais qu'il y en a une aussi, t'as des très beaux textes de leur point de vue, et c'est un peu bête de dire que les judaïsmes, c'est que le peuple élu, parce que il y a un moment où les juifs, ils convertissaient des gens, et donc c'était pas un peuple élu, puisqu'ils convertissaient des gens. Hein. Donc tout cela a varié au cours de l'histoire, et aujourd'hui, on a affaire à une instrumentalisation sioniste du judaïsme. C'est pas pareil que le judaïsme. Il y a des juifs qui te disent, un état juif ne peut être créé qu'à la venue du Messie. C'est ça qui est écrit dans les textes religieux juifs. Donc, Israël est impie. Voilà. Donc ça, c'est des religieux anti-sionistes. De la même manière qu'on a des religieux juifs ultra-sionistes qui vont défendre une promotion de race supérieure, quasiment. Donc tout ça, c'est très contradictoire. Et pour lutter contre les préjugés religieux, la méthode que je prône, c'est de se focaliser ensemble sur les luttes sociales, de se focaliser ensemble sur les luttes anti-impérialistes, sur les luttes anti-guerre, et dans ces combats communs, on fraternise, quelles que soient nos confessions, et si on arrive à gagner des victoires sociales, on démontre qu'on est capable de créer le paradis sur terre, ou en tout cas d'améliorer la condition de vie des gens, et que c'est là-dessus qu'on doit se mettre d'accord. Et si les gens, ils ont des illusions religieuses, elles se dissiperont progressivement, mais il est erroné de s'attaquer frontalement à ça. Voilà, donc ça c'était le deuxième point, et puis je vais peut-être m'arrêter. Donc ouais, je vais conclure en disant que je pense que c'est bien qu'il y ait des manifestations de fraternité interreligieuse, comme quand le prêtre a été assassiné dans l'église en Normandie, et qu'après il y avait des musulmans, des juifs et des chrétiens et des athées, tous ensemble pour dire que ce genre de choses est inacceptable. Ça, je pense que c'est notre travail de fraternisation qu'on doit à fond soulever. Et je dirais un dernier truc, parce que ça m'a un petit peu choqué, quand tu as dit à Oussam qu'il suffisait qu'il porte une kippa pour pas être embêté, je te signalerai juste que tu peux porter une kippa et être embêté par des antisémites, et que c'est pas une solution que de demander aux gens de se vêtir autrement. La solution, c'est de changer les mentalités en ayant des discours, des attitudes constructives. Bah moi je vais commencer en citant de mémoire. Moi je vais commencer en citant de mémoire quelqu'un qui est apprécié sur la place, à savoir Manuel Valls, qui a dit au théâtre de Jazet, il n'y a pas que le sujet justement, c'était pas la question sociale, mais c'était la bataille culturelle, et que par bataille culturelle, il estimait que le sujet aujourd'hui, c'était les musulmans. Et la question que je pose aux personnes qui souhaiteraient ne pas prendre en charge ces questions-là, c'est sont-ils objectivement, c'est pas pour faire pour jeter une crotte de nez ou quelque chose comme ça, c'est simplement pour dire voilà, sont-ils avec Manuel Valls ou avec les gens qui veulent virer Manuel Valls. Et donc virer Manuel Valls, ça veut dire s'opposer à ce qu'aujourd'hui fait Manuel Valls, parce que on n'est pas si on lutte concrètement là face à une situation, face à un gouvernement, bah on choisit pas toujours le terrain sur lequel on lutte, on choisit le terrain sur la base de choses qui nous sont imposées. On n'a pas choisi de se mobiliser contre la loi El Khomri, on nous a foutu la loi El Khomri dans la gueule et on a dit comment on résiste. Et donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Daniel. Sur les variétés, je suis pas d'accord que c'est contradictoire, sur les variétés d'interprétations qui peuvent donner lieu à une variété de mobilisation politique de la part sur la base d'une religion. Voilà, quel rapport entre l'Opus Dei et la théologie de la libération, quel rapport entre Daesh et les musulmans anticapitalistes de Turquie qui se font massacrer par Erdogan. Sûrement pas grand chose, ou du moins le fait que du même texte, de la même tradition, ils arrivent à des conclusions très différentes. Et j'aurais même et le pire, c'est que la même interprétation de la même institution peut elle-même changer au travers du temps. J'ai un exemple tout con sur ça. On a demandé à en Égypte, il y a un grand centre religieux musulman, c'est des grands théologiens qui siègent là-bas. On leur a demandé en 64 de donner un avis sur le droit de vote des femmes. Donc les mecs se réunissent, ils bossent, tout ça, ils font leur boulot de savants et d'experts assermentés, et à l'issue de leur réunion, ils arrivent à la conclusion que c'est impossible que les femmes votent, que d'ailleurs c'est écrit, et ils produisent un avis de ouléma, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... c'est un avis. On peut le suivre, on ne peut pas le suivre. 30 ans plus tard, les femmes dans tous les pays arabes, à l'exception de l'Arabie Saoudite, votent partout. Et on pose la question, du coup, il y a un type un peu réac qui pose la question à leurs descendants, et qui leur dit, ouais, quand même, vous aviez rendu un avis, vous ne voulez pas chercher. Donc les mecs se réunissent, ils refont leur blabla, ils produisent un avis où ils disent que il est absolument prouvé par le Coran et la Sunna, en l'occurrence, que les femmes doivent voter. Tout ça pour dire que un discours politique s'est soumis à des évolutions qui elles-mêmes témoignent d'une évolution historique, sociale, culturelle d'une société, et que le minimum, quand on parle de régions du monde, c'est de s'intéresser à tout un tas d'autres paramètres. On peut mobiliser le paramètre religieux, mais on pourrait et on devrait aussi mobiliser le paramètre démographique, un paramètre économique, un paramètre sociologique, un paramètre historique. Et d'ailleurs, on le ferait si on parlait de l'Allemagne ou de l'Italie, mais malheureusement, on le fait trop peu quand il s'agit de certaines régions. Les deux derniers points très rapidement sur la question des migrants. Concrètement, l'islamophobie à échelle migrante, ça donne un truc très simple. On rafle des gens pendant, on fait 15 rafles de suite, et au bout de la 8e rafle, eh ben on dit qu'il y avait peut-être un terroriste qui était devant France Terre d'Asile. Et donc du coup, ça justifie ou ça anonymise toute toute cette violence, toute cette rafle, toute cette illégalité. Et voilà. Et sur ce point-là, moi, c'est pour ça que je tiens pas par fétichisme au mot islamophobie. C'est pour deux raisons. C'est que, un, c'est les premiers concernés qui se le sont choisis. Deuxièmement, qu'il n'y avait rien en stock. Et que ne pas nommer les choses, c'est comme ne pas dire rafle là. C'est-à-dire arrestation massive de population dans la rue. C'est la définition du petit Larousse. Et ben ça, ça ne permet pas de qualifier une situation. Et ça nous désarme complètement. Voilà, le dernier point, comme on est dans un truc d'éduc pop, je vais faire mon connard qui donne une bibliographie. Il y a pas mal de choses qui ont été faites par des gens. Il y a un bouquin très bien qui s'appelle Pour une lecture profane des conflits de Georges Corme qui parle de ça. Vous avez le blog de Alain Grèche qui est juif et communiste, qui maintenant est clos. Et ancien porteur de valises du FLN, donc c'est un mec peu suspect de connivence avec l'Arabie Saoudite. Si vous tapez Nouvelle d'Orient, il y a pas mal de contenu là-dessus. Et voilà, enfin, et encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. C'est en ce moment on est faible, en ce moment on est divisé. À quelles conditions de possibilité on peut se retourner ? Je suis assez d'accord avec, enfin se retrouver plutôt. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Quand en 83, on manifestait, il y avait écrit « Égalité contre le racisme, on te traite de chiite ». Quand au bout d'un moment, chaque fois qu'il y a une revendication égalitaire, on l'altérise en permanence, eh ben, faut pas s'étonner si au bout de 20 piges de racialisation, de lois racistes, de meurtres racistes, eh ben, des gens disent « Bon, ben, on va retourner le stigmate ». Et on a envie aussi de vouloir exprimer une façon de croire ou une façon de penser, il faut assumer ça et essayer de faire avec pour pouvoir faire quelque chose. Moi je suis athée, ça me fait chier de devoir le dire, mais indépendamment du fait d'être athée, je suis un musulman d'apparence. Quand je me suis arrêté par les flics avec des migrants, on me traite de bougnoule ou d'agent de Daesh, et je sais que ça participe de ma criminalisation en tant qu'activiste entre guillemets ou que militant d'une cause, et je pense qu'il faut vraiment se méfier d'aboyer dans la période actuelle avec les loups, ici en l'occurrence avec Manuel Valls, parce que à la fin ceux qui le font seront obligés de marcher avec l'État. Et marcher avec l'État dans le monde actuel ou marcher avec l'extrême droite dans le monde actuel, c'est ne pas se donner les possibilités, les moyens d'être un peu plus fort pour résister. Merci. Ah, donc y en a plusieurs. Il y a islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Ça, c'est Marwan Mohamed et Abdelali Ajat qui donnent la définition. C'est une synthèse de tout ce qui se fait sur l'islamophobie en Europe. T'as Georges Corme pour une lecture profane des conflits. C'est un ancien ministre de la culture au Liban. Tu as Nouvelle d'Orient. Donc ça, c'est un blog d'Alain Grèche qui maintenant est clos. C'est l'ancien responsable de la section monde arabe du monde diplomatique. Encore une fois, des gens peu suspects de connivence avec je sais pas quoi. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ce débat-là, il ait lieu sous cette forme maintenant, parce que ça m'inquiète un peu, hein, vraiment sur nos capacités de résistance, voire sur la détermination des gens qui sont ici de foutre en l'air Valls. Parce que on ne devrait pas avoir ce débat. Notre débat, ça devrait être comment on fait ensemble. On ne devrait même pas discuter théorie, ça devrait être comment on fait ensemble. Et s'il y a des préalables idéologiques comme ça, enfin, encore une fois, moi, l'exemple que j'ai avec des migrants, il y a des migrants de droite, hein, qui dorment sous la rue, sauf qu'on les défend en tant que sujets de droit, en tant que personnes qui sont nos égaux, qui sont d'ailleurs et qui sont ici, et on n'en a rien à foutre ce qu'ils pensent sur leur tête. Par contre, le fait de faire ensemble fait qu'il y en a qui bougent, fait qu'on se transforme ensemble, et bizarrement, là, on leur fait peur. Là, on peut ouvrir un bâtiment vide. Là, on peut faire une manif. Là, on peut recliver dans le bon sens, c'est-à-dire du haut vers le bas et pas de l'extérieur contre l'intérieur supposé. Merci. Non, vas-y, Raphaël. Ouais, en fait, on parlait de l'islamophobie, c'est-à-dire, j'imagine, le rejet des musulmans et plus que de l'islam, et ça s'est rapidement transformé en discussion sur est-ce que la religion c'est bien ou pas bien. comme si en fait on pouvait pas défendre des gens qui ont une religion sans aimer la religion, quoi. Comme si on pouvait pas trouver que le voile c'est pas bien, mais défendre le droit de femmes à porter le voile. Et en fait, la religion c'est probablement pas un choix pour beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'ils ont choisi. Ils ont une religion parce qu'ils sont dans une culture, dans une société où il n'y a pas, la même liberté qu'ici et le même détachement, j'imagine. Donc on peut pas faire comme si en fait tous les religieux étaient coupables de leur religion. Enfin, moi je suis contre les religions aussi, mais ils sont religieux, mais c'est comme un épicier n'est pas coupable du capitalisme, peut-être un tout petit peu coupable. Un chrétien, il n'est pas coupable de tout ce qu'a fait le christianisme, et ainsi de suite. Voilà, c'est mon avis un peu. Et en tout cas, moi, j'aime pas le burkini, mais je trouve ça très bien que le Conseil d'État ait interdit les arrêts anti-burkini. C'est normal, c'est notre démocratie. Et on peut défendre des gens sans adhérer à leur idéologie. Voilà, c'est exactement ce que tu disais avec les migrants de droite, ou je sais pas. Voilà, donc la lutte contre l'islamophobie, ça veut pas dire lutte pour la religion, évidemment. Je pense pas que c'était le sens de ton intervention, Daniel. Voilà, enfin, c'est juste pour remettre ça, parce que si tu t'as dit, je me souviens plus de ton prénom, mais voilà, t'as dit que la religion c'était un outil de domination, mais en fait, je pense que la lutte contre les religions, c'est aussi un outil de domination. Donc, il faut pas se laisser prendre non plus à ce piège-là. Nous, on doit rester un peu neutre, je pense, dans ces affaires de religion, parce que finalement, ça nous concerne pas beaucoup. Bonjour, oui, c'est Malanjo. Ça fait 6 mois que je vous parle de France-Afrique, ça fait 6 mois que je vous parle d'Afrique. Très sincèrement, tout le monde s'en fout de l'histoire d'Afrique. Il y a personne qui connaît l'histoire de l'Afrique à part l'esclavage. À part les religions. Tiens, d'ailleurs, l'Africain. Excuse-moi, s'il te plaît. Merci. Donc, à part de se poser la question sur est-ce que le problème de l'esclavage en Afrique, le problème de l'islam en Afrique, le problème du christianisme en Afrique. Les Africains, ils n'étaient pas religieux avant. Les Celtes en Europe, les Celtes, les Relais, je sais pas quoi. Ils n'étaient pas religieux. C'était des animistes, tout le monde. La Chine, tout ça, animiste. C'est-à-dire qu'on avait des valeurs en l'être humain, à terre, au sol. C'était des sociétés matriarcales. La femme était divinisée. Jamais une femme était soumise, rabaissée. On ne demandait pas à une femme d'aller nager à la plage en pyjama. C'est-à-dire que je veux bien que ce soit pas vrai. Tu vois, tout à l'heure, je te dis, tu disais des bêtises, on m'a dit, faut pas que je dise ça. Tu me dis ce que je dis, c'est pas vrai. Je veux bien. C'est une discussion qu'on a entre nous. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que, pour dire que c'est pas vrai, mon ami, pour me dire que c'est pas vrai, qu'est-ce que tu connais de l'histoire africaine antique? Rien. Qu'est-ce que tu connais? Merci. Qu'est-ce que tu connais de l'histoire occidentale, de l'histoire Tout à l'heure, Malanjo, qui a arrêté l'école en 5e, va discuter avec un homme qui a un master d'histoire africaine. Très intéressant. Donc, ce que je veux dire. Non, c'est pas débile, c'est un débat. Donc, le débat, c'est l'islamophobie. Et on revient à cette question. La problématique, donc, du débat de l'islamophobie. Les autres, tu vas dans les pays musulmans, ils vont te parler de christianophobie. Tu vas dans un autre pays, il va te parler de. C'est-à-dire que quand tu changes de peuple, que tu changes de frontière, la phobie, elle est sur un autre. Donc, quand est-ce qu'on va comprendre et qu'on va réfléchir ensemble? Tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, monsieur. Tu l'as dit que l'important n'est pas de réfléchir selon ses chaussettes, mais sur la problématique culturelle de tout un chacun. Et dans la problématique culturelle de tout un chacun, la problématique s'inverse. Donc, à un moment donné, on est tous pris pour des cons. Quand je suis là, ici, le méchant, c'est là. Mais quand je suis dans l'autre frontière, le méchant, les rôles s'inversent. Donc, pendant combien de temps on va se faire semblant de se parler, mais juste imposer nos avis, nos pensées, hein, je suis athée, mais étant d'origine machin, je vais défendre ce machin. On est d'accord? Mais pourtant je suis athée. Ça veut rien dire. Donc à un moment donné, soit on rajoute de la valeur à l'humain, c'est-à-dire qu'on est humain, et pas humaniste, hein, parce que les humanistes, c'est les bouffons qui nuisent toute la terre. On est vraiment des êtres humains. Et on parle en tant qu'être humain, lorsque monsieur dit, il y a tel prêtre qui a été tué, il faut défendre la religion. Je m'en bats les steaks. Je vais défendre, on arrête de tuer un être humain. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit ceci, cela, qu'il soit prêtre ou qu'il soit promeneur de chiens, on ne tue pas un être humain. On ne va pas tuer des animaux pour en mettre 50 000 dans le marché alors qu'on a besoin que de manger une assiette. On va pas prendre toutes les pommes de la terre et on en jette les trois quarts parce que personne ne les a achetées, parce qu'il n'y avait pas assez pour les manger. Donc on a dans des discussions vides. C'est-à-dire que chacun vient faire des débats. Hein, ils sont tous sociologues. Je te jure, j'en arrive à détester les sociologues, les économologues. Je les emmerde. Ils sont tous logs ou logistes de quelque chose. Ils posent des débats sur un truc parce qu'ils ont écrit un livre. Et on va parler du livre. On va parler du sujet qu'ils veulent envie de débattre parce que c'est la thèse qu'ils ont eue. Mais quand est-ce qu'on parle de l'ensemble, de l'humain et de la problématique qui nous intéresse tous et qui nous lie les uns aux autres? Jamais. Pourquoi? Parce que chacun veut défendre ses intérêts, son diplôme ou ses intérêts de d'origine. Donc moi, dès que je parle de l'Afrique, tout le monde me tombe dessus. Bah, je suis noir. Bah, excusez-moi, je suis noir, c'est vrai. Je suis désolé, je suis né noir. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité sur un problème donné. On est ici, on est aussi en Europe. L'Europe, nous sommes assis sur la domination d'un autre continent qui nous fournit une monnaie qui nous appartient et qui nous permet de subvenir aux besoins de notre monnaie de merde qu'on ne fait qu'imprimer, qui n'a aucune valeur. Parce que l'euro n'a aucune valeur, c'est une monnaie qu'on imprime, comme ça, dans le vide. Et on est obligé d'assouvir, de soumettre cette monnaie sans valeur à une monnaie africaine, parce que la monnaie des Africains, malheureusement, c'est des gens qui travaillent et qui défendent leurs valeurs. Donc, parler d'islamophobie, c'est intéressant. Parler de phobie, c'est intéressant, mais parler des valeurs qu'on a les uns avec les autres et de l'union qu'on a avec les autres, si quelqu'un dit « moi, le problème, c'est les religions », ben on essaie de l'écouter. Moi, j'ai pas de problème avec l'islam, j'ai de problème avec les religions. Pourquoi ? Ben toi, je suis islam, moi, je suis chrétien, je défends telle chose, je suis cela. Mais lorsque nous, on est nous-mêmes religieux, on se dit « mais nos religions, elles datent de 2000 ans ». Et encore, c'est même pas vrai, elles ont été écrites il y a pas longtemps. Mais comme on nous a écrit dans des livres que ça date de 2000 ans, tout ce qui existe avant, c'est de la merde. Et donc on dit, les religions, c'est bon pour l'homme, et tout ce qui était avant, c'est de la merde. Et donc on n'arrive pas à réfléchir les uns avec les autres. Et donc, à un moment donné, soit on élève le débat, et vraiment on l'élève, mais à un niveau qu'on l'a jamais élevé, et que sur cette place de la République, on élève le débat à un niveau suprême, parce que nous sommes tous des êtres intelligents, ou soit on rabaisse le problème à notre problématique personnelle de savoir, si je suis musulman, on va dire on l'a soulevé, moi je suis chrétien, on va pas s'en sortir. Merci. Merci. Alors maintenant, on a Jacob qui voulait parler. Jacob. Rebonjour. Je parlais avant, je disais que je suis athée. Et une des choses qu'on n'explique jamais, c'est ce que ça veut dire être athée. Être athée, ça veut dire qu'on se rend compte de l'ignorance. Je ne sais pas d'où je viens, ni je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Je ne sais pas du tout. La seule différence qui me sépare des religieux, c'est que je me rends compte de ma ignorance. Les religieux pensent savoir et ils sont complètement à côté de leur plaque. Parce que personne ici, aucun prêtre, aucun imam, aucun dignitaire religieux est allé au-delà et a vu ce qu'il y a, ce qui nous attend après la mort. Personne n'a vu ça. Personne dans cette ville de millions d'habitants sait ce qui va nous arriver, ni de où nous venons, etc. La seule différence entre les athées et les religieux, c'est que les athées savent son ignorance. C'est tout. Et je voulais ça expliquer ça d'abord parce qu'il y a plein de religieux qui disent « Ah, moi je sais, il y a le ciel, l'enfer, les anges, et tous les baratins. » D'accord ? Deuxième chose, quand on parle de la religion islamique, que c'est une des catastrophes qui est arrivée au peuple arabe, et le problème, c'est le type d'explication que donne la religion. La religion t'explique tout parce que bah, c'est comme ça, Dieu l'a fait comme ça. Par contre, la science explique les choses. Essaye de prouver les choses. Quand on dit les montagnes sont là parce que Dieu les a fait, c'est une explication. Mais quand on dit suite à la tectonique des plaques, quand une des plaques comme l'Inde s'écrase contre autre plaque, l'Asie, ça soulève la montagne et c'est les Himalayas. La même chose avec l'Italie, l'Europe et les Alpes. C'est la tectonique des plaques qui produit les montagnes. Vous voyez la différence entre les deux explications. L'explication religieuse ne conduit nulle part. On ne peut pas déduire quoi que ce soit. Dieu l'a fait comme ça, puis c'est tout. Et l'explication scientifique nous permet de comprendre comment est-ce que le monde est fait. D'accord ? Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi la science et la religion sont toujours à les opposer ? Ils sont opposés depuis, je ne sais pas, Galiléo, quand il a presque été assassiné. D'accord ? Je crois que la libération des peuples arabes passe seulement par la destruction de l'islam. La destruction de l'islam, ça ne veut pas dire qu'on va tuer les gens qui croient en Dieu. C'est simplement que les gens commencent à voir, comme ici, ça se passait à la Renaissance, que la religion n'explique pas les choses, qu'il faut aller au-delà. Les Arabes ont eu une période où ce type d'attitude regarde la religion était courante. L'algèbre vient de... Ah, d'accord. L'algèbre, les chiffres, tout ça, ça vient des Arabes à leur époque où les Arabes avaient confiance en la science. Et leur religion n'était pas un obstacle pour leur développement. Aujourd'hui, la religion, c'est... Mais il était musulman, l'algèbre. Oui, il était musulman. Exact. Non, ce n'est pas contradictoire quand tu comprends la religion comme une philosophie. Quand tu ne dis pas... C'est comme ça, et pourquoi 2 plus 2 sont 4? Ah, c'est comme ça, Dieu l'a fait comme ça. Alors, c'est un retour à ses sources. Mais ce sont des trucs compliqués. Bon, je ne peux pas le dire en 2 secondes. Je voulais simplement dire qu'un retour à cette époque est la seule solution pour les peuples arabes. C'est débarrasser de ce dogmatisme dans lequel ils sont tombés. Un dogmatisme dans lequel il n'y a presque plus de bouquins scientifiques qui sont traduits dans l'arabe. Il n'y a plus d'intérêt pour la science, pour la philosophie. Bon, j'arrête. Ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous voulez développer ce sujet, vous pouvez nous proposer une intervention sur ce thème. Comme ça, vous pourrez relancer le sujet une autre fois, un autre jour, et vous aurez 20 minutes de présentation. Comme ils ont pu l'avoir tout à l'heure, donc c'est pour ça que là du coup on limite les tours de parole pour qu'un maximum de personnes puissent parler. D'ailleurs je profite pour dire aux gens de pas hésiter à s'asseoir, parce que sinon les personnes derrière ne voient pas, donc asseyez-vous pour que le plus de monde possible puisse entendre et voir ce qui se passe. Donc du coup on va prendre les derniers tours de parole, donc il y a Julio, Boris, Ali et Christian. Je vais vraiment leur demander d'être le plus bref possible, parce que les intervenants doivent partir. Donc Julio. Ouais, c'est pour le jeune homme là, avec son Marx et la religion. T'as lu le bouquin de Marx dans ses œuvres intégrales, Marx et la religion ? Bah, tu devrais lire. Tu devrais lire parce qu'il fait allégeance à Satan. Il a fait des poèmes. Il a écrit des poèmes assez bien réussis, des poèmes à Satan. Et même vers la fin, il commençait à regretter son allégeance à Satan. C'est Marx qui parle. Et c'est les œuvres intégrales de Marx. C'est pas des petits trucs comme ça, pirates. J'ai lu ça en bibliothèque. Merci. Boris. Alors moi, je voudrais intervenir pour juste dire... En fait... Comment dire ? C'est voilà, moi, en fait, moi, je suis athée. Je suis athée parce que... Premièrement, je n'adhère pas au concept religieux. Pour moi, je n'adhère pas que Dieu a créé la terre. Des choses comme ça. Après, je pense aussi que la religion impose, par exemple, le respect de chacun en soi, le partage. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de religion pour qu'on apprenne ça. Ça s'appelle l'humain. Et on doit tous être solidaires. Et ça, la religion, il n'y a pas besoin qu'on ait de religion pour faire ça sur la terre. Donc je pense que la religion, en fait, c'est juste un outil qui a été pris par des puissants pour juste soumettre le peuple, pour faire taire le peuple et le faire asseoir. Et surtout, ce qui est surtout le cas au niveau des... ce niveau aussi, surtout des radicaux, où ils prêchent vraiment l'ancien islam, qu'un islam qui rabaisse sa femme, etc. et que qui est pas, je pense qu'il est pas un bon islam, et que en France, c'est pas, je sais pas, en France vous demandez à tous les Arabes, ils sont pour quel islam. Je pense qu'il y a au moins trois quarts de la des populations arabes qui vont dire, ils en est pour l'islam modéré, on n'est pas pour radical. Donc aujourd'hui, je pense que faut parler de l'islam, mais après pour moi c'est un faux débat sans vide, parce qu'il n'y a pas besoin de parler de religion pour parler du social. Ça c'est, sans la religion on peut créer ça, on n'a pas besoin de religion pour faire tout ça sur le pays. Ali ? Où est Ali ? Je suis là. Ah. Tu peux te mettre un petit peu loin du... Très rapidement aussi. Moi j'ai entendu parler de dogmatisme. Bah, faut pas non plus que ceux qui se disent athées, que je respecte complètement, tombent dans un dogmatisme qui serait différent. Et c'est ce qu'ils combattent. Finalement, c'est ce que parfois je peux entendre de d'eux. Donc, si j'ai bien compris, c'était sur l'islam en France. Et un truc que j'ai entendu intéressant... L'islamophobie, ouais. L'islamophobie et les attaques que les musulmans peuvent recevoir dans ce pays. Un truc intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, le jeune homme nous dit « Je suis athée, mais je suis perçu comme musulman. » Donc il y a le fait d'être musulman et le fait d'être perçu comme musulman. Le fait d'être perçu comme musulman, bah, c'est presque 10% de la population en France hein, qui sont musulmans ou perçus comme, comme tels. Donc c'est un débat intéressant. C'est une question intéressante. Je dis pas par rapport à la teneur du débat d'aujourd'hui. On est ici à République, il y a souvent des débats. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est un débat, si on parle de ce sujet-là, voilà, qui, pour ma part, ne va pas dans le bon sens. Il y a des choses qu'on entend qui sont intéressantes. Le vivre ensemble, bien sûr. Mais porter un jugement sur des personnes qui se disent d'une religion, c'est dommage. Réduire des débats à certaines personnes ou à certains comportements, c'est dommage. Donc voilà, je vais faire très rapidement pour finir. J'ai aussi entendu parler de Marwan Mohamed. C'est intéressant. Quelque part le fait de pouvoir... Ah ben il y en a deux, ben il y en a plusieurs, tu vois, on est là pour apprendre, j'irai me renseigner. Mais donc c'est quelque chose qui est important, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir dire que l'islam en France, on peut le vivre bien et être quelqu'un d'ouvert. J'ai entendu 20 fois, je suis athée, bah moi je suis musulman, je suis inclusif, je suis père de famille, je suis tout ce que vous voulez, je suis une dizaine de choses, mais je suis aussi musulman. Ça veut pas dire que... Je vais être contre la France, au contraire. Je suis là pour avancer, je suis là pour être avec mon prochain, avec l'athée, avec le chrétien, avec le juif. Donc les discours de paix, les discours inclusifs, ils sont là, il faut seulement, simplement pouvoir les entendre. Et voilà, à très vite, je lâche le micro. Merci, donc il reste Christian et puis ensuite tu conclus. Oui. Ah oui, par ici. Bah des fois on emploie des termes, mais je sais pas si on les emploie à bon escient, parce que j'écoutais Jacob tout à l'heure qui me disait qu'il savait pas si qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Bah, un athée quelque part il sait qu'il y a rien après la mort. Donc Jacob, est-ce que t'es vraiment athée ou t'es pas plutôt agnostique? Parce que c'est juste une petite pique, voilà. Je pense que bon, il y a déjà ce truc là, mais par contre là bon, c'est quelque chose de plus grave que tu as dit. Bon, c'est pas pour t'attaquer, etc. Bon, on débat, hein, etc. Mais il me semble que là, on verse un petit peu dans les travers de ce débat sur l'islamophobie. C'est sûr, tu dis que les peuples arabes, ils vont se libérer quand on aura, comment dire, détruit la religion musulmane. Mais pourquoi t'as pas dit la même chose pour en Europe? On va se libérer quand effectivement la religion chrétienne, enfin toutes les religions chrétiennes, tout ce qui tourne autour, seront abolies. Voilà, mais tu l'as pas dit tout à l'heure, donc là, ça me pose problème. Et puis moi, je voudrais simplement dire que aujourd'hui, il y a des révolutions qui se mènent un petit peu dans le monde entier. Et c'est pas parce qu'on a des idées philosophiques différentes ou sur l'idée de Dieu, etc., que des gens, ça les empêche de se battre. Par exemple, au Chiapas, les Indiens, enfin il y a plusieurs effectivement tribus indiennes effectivement au Chiapas, ils ont une religion, on va dire syncrétisme, en partie des philosophies issues des religions préhispaniques et avec les religions chrétiennes. Ça les empêche pas effectivement de se battre, y compris parfois les armes à la main contre la dictature qui sévit au Mexique, d'ailleurs soutenue par François Hollande, hein, faut quand même le rappeler. Le 14 juillet, François Hollande recevait Peña Nieto, donc qui est un des responsables effectivement de milliers de disparitions chaque année au Mexique. Et puis également aujourd'hui, par exemple, il y a tout un tas une population, hein, près de 3 millions de personnes dans le nord syrien, ça s'appelle le Rojava. Majoritairement kurde, mais pas kurde. La majeure partie de cette population est musulmane, et ça ne les empêche pas effectivement aujourd'hui de mener une révolution. Donc voilà, faut arrêter avec les peut-être les caricatures. C'est pas parce qu'on croit à quelque chose qu'on peut pas être révolutionnaire, on peut pas se battre. Et puis sans parler du Mexique ou du Rojava, moi j'ai connu effectivement pas mal de luttes dans les boîtes, notamment les petites boîtes, ce qu'on appelle un petit peu les invisibles, notamment par rapport aux gens qui sont dans le nettoyage. La majeure partie des personnes sont musulmanes et je peux vous dire qu'au niveau compatibilité, ils ont peut-être des leçons à nous donner. Voilà. Juste pour dire aux gens, c'est vraiment là, il faut vraiment que l'intervenant concluse. Mais oui, mais si je vous l'autorise à vous, je peux l'autoriser à tout le monde, donc je suis désolée. Et oui, là on doit vraiment terminer. Donc du coup, je te laisse conclure. Donc je commencerai par une petite conclusion personnelle et puis après par rappel de l'actualité. Mais donc, heureusement qu'on peut avoir ce débat avec des athées, des musulmans, et des juifs, etc., qui parlent ensemble. Et donc, ça veut dire qu'on réalise ce qu'on a besoin de mettre en œuvre. Je voulais répondre à Malonjo sur tuer un prêtre. Il faudrait dire qu'on se bat contre le fait de tuer un être humain. Mais en fait, il y a plein d'êtres humains qui sont tués pour mille et une raisons. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été abattu pour sa religion. Donc, il ne faut pas nier des dynamiques existantes. Et il faut savoir y répondre. C'est ce que je pense. Voilà. Ensuite, sur la question d'être noir, être blanc, être jaune, moi, je pense que, y compris ces caractéristiques physiques, sont en fait des caractéristiques sociales. Le racisme... De la même manière qu'il y a la couleur de peau est une construction sociale, parce qu'on peut très bien l'ignorer et considérer les gens indifféremment de leur couleur de peau. Donc le fait de discriminer les gens en fonction de la couleur de peau est une construction sociale. De la même manière qu'il y a un sexe physique et un sexe social. Donc c'est-à-dire que il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est une chose différente que de dire... Être un homme, ça veut dire ceci, ceci, ceci. Être une femme, c'est ceci, ceci, cela. Ça, c'est des constructions sociales sur les critères physiques. Oui. Et ben de la même manière, sur les couleurs de peau, dire que, par exemple, je sais pas moi, les Arabes seraient des voleurs, les Juifs seraient des avares, ça, c'est des constructions sociales. D'accord ? Par contre, le fait d'être physiquement arabe... Il y a quelqu'un qui va voir un arabe et dire « je pense que c'est un voleur » et un autre qui va voir un arabe et dire « je vois juste un être humain ». Donc ça, c'est une capacité sociale de chacun de choisir comment il voit les gens. Et c'est très différent des caractéristiques physiques. Donc ça, c'est un point de théorie. Un autre point de théorie sur science et religion... Sur science et religion, il a été répondu à, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a parlé juste avant. Il y a des scientifiques qui sont croyants et scientifiques. Alors que à moi, ça me paraît contradictoire, mais eux, ils arrivent à le combiner. Donc, il faut accepter qu'il y a des gens qui pensent les choses différemment. De la même manière que on vient de me dire qu'il n'était pas possible d'être juif et communiste. Et ben, pourtant, alors moi, je suis juif culturellement. Pas juif religieusement, et pourtant je suis communiste et juif. Moi. Toi. Et donc, mais c'est un débat général. Et donc, une autre chose, c'est que j'ai un ami qui était communiste, il est devenu musulman, et il est resté communiste. Donc, tout est possible. Il faut faire attention aux généralisations et à l'essentialisation, qui en gros sont des caricatures. Qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc ça, c'était des petits points par rapport au débat. J'ai lancé ce débat aujourd'hui parce qu'il y a un débat qui est organisé mercredi 21 à 18h30 à Confluence qui s'appelle « Pour un printemps de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, agir à gauche contre l'islamophobie et les racismes ». Et je voudrais citer deux passages de l'appel pour conclure, parce qu'ils correspondent à ce que je ressens et à ce que je pense que je vous propose de partager. Hein. Donc quand on regarde ce que disent les gens du printemps républicain, ils disent en s'appuyant sur des témoignages fantaisistes selon lesquels il y aurait dans Paris des lignes de bus où l'on entre difficilement si on n'est pas barbu. Et, hors de Paris, des banlieues islamisées et arabisées où se pratiquerait un clientélisme communautaire. Les orateurs du printemps républicain ont développé le fantasme d'une république attaquée et même déjà partiellement livrée aux hommes barbus, aux salafistes et aux femmes en hijab. En creux s'y dévoilait une conception de la patrie repliée sur elle-même et excluante, et un projet politique préoccupé quasi exclusivement des musulmans, musulmanes, et aveugle à toutes les menaces réelles, celles-là, qui pèsent sur la démocratie et nos institutions, les inégalités sociales croissantes, le racisme, le Front National, la relégation de nombreux quartiers et l'exclusion de populations entières. Ça, c'est donc sur le bilan et sur la réponse. Il disait un moment, un passage que je trouvais super. Cette fois-ci, nous ne resterons pas sans réagir. Le 21 septembre, nous, citoyens, militants, adhérents ou sympathisants d'organisations antiracistes ou progressistes, nous qui vivons dans des quartiers populaires, nous qui sommes divers socialement, culturellement, spirituellement, nous dont la vie quotidienne est rendue difficile non par l'islam, mais par le chômage, la précarité, les bas salaires, nous qui sommes lassés d'être partiellement la cible de discours médiatiques soupçonneux, du racisme, des violences policières, nous serons rassemblés pour faire entendre une autre voix et crier notre soif de liberté, d'égalité et de fraternité. Contre la volonté de confisquer la laïcité pour en faire un instrument d'exclusion et de stigmatisation, nous dirons l'urgence de défendre l'esprit et la lettre de la loi 1905. Contre le fantasme d'une république qui serait assiégée par une communauté musulmane présentée comme un tout homogène, nous ferons valoir que les musulmanes et les musulmans qui vivent ici ne poursuivent en rien, on ne sait quelle ambition d'islamisation de notre pays, qu'ils soient comme tout un chacun attachés aux droits et aux libertés dont la France se targue d'être la patrie. Contre les paniques sécuritaires répandues par le prétend républicain qui parle de quartiers perdus, nous réaffirmerons que les quartiers populaires sont au contraire les lieux où peuvent s'inventer une société ouverte et tolérante, à condition de les considérer autrement qu'à l'aune sécuritaire et répressive, et leur donner les moyens de participer pleinement à la vie économique et politique de notre pays. Voilà. Donc je trouve que c'est des choses intéressantes et qui méritent qu'on s'implique là-dessus. Merci. Donc merci à toi, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé au débat. Voilà, on peut applaudir en effet. Hein. Donc du coup, comme on a pris beaucoup de retard sur le programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, du coup avec un petit peu d'avance, hein, on va se débrouiller comme ça, la dernière intervention. Donc ce sera Pierre qui va venir nous parler d'une assemblée instituante européenne. Donc juste avant qu'il commence, je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne à Debout Éducation Populaire. Alors déjà, première chose, si vous souhaitez voilà assister après au débat, y participer, vraiment je vous invite à vous asseoir parce que sinon vous voyez avec la bâche on est un petit peu limité au niveau de la vision, ou alors on enlève la bâche, comme vous voulez, bon peu importe, ou sinon vous vous asseyez comme ça il y a le plus de monde derrière qui peut participer. Donc les interventions où on se met devant, ouais peu importe. Donc pour les interventions, à chaque fois, il y a à peu près 20-30 minutes de présentation et ensuite 40 minutes de débat. Donc je vous rappelle que n'importe qui peut venir nous proposer une intervention, au contraire. Hein, si par exemple, pendant un débat, vous avez l'impression que vous n'avez pas pu suffisamment exposer votre point de vue, eh ben venez nous voir et dites-nous, voilà, moi je voudrais intervenir sur ce thème-là, ce jour-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On est là donc le samedi et le dimanche de 15h à 19h dans ce cadre-là. Et on est aussi là le vendredi soir de 18h à 20h pour un atelier qu'on a mis en place qui s'appelle « Quelle société veut-on ?». Et donc on a commencé à construire les axes et de préciser exactement ce qu'on voulait comme société. Donc dans les cas, par exemple, les deux dernières séances c'était sur les enfants et le vendredi prochain ce sera sur le rapport aux autres. Donc voilà, on va faire tourner une boîte à dons pour pouvoir nous aider au niveau du matos. Je pense qu'il va falloir qu'on rachète un micro dans peu de temps, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, si vous pouvez nous aider un petit peu pour qu'on puisse continuer justement ce type de débat. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et si aussi, si vous avez un petit peu de temps disponible pour nous aider dans l'organisation, vous êtes aussi les bienvenus parce qu'on n'est pas très nombreux et pour que ça tourne. Et c'est une aventure assez chouette. Voilà, donc après tout ça, Pierre, je vais te laisser la parole. Je ne sais pas où tu veux t'installer. Et sinon, d'ailleurs, peut-être qu'on peut s'avancer un peu. Et comme ça, les gens vont plus pouvoir se mettre là. debout, comment... Comme tu veux. Comme tu veux, tu peux t'asseoir. Est-ce que tu veux un siège? Non, je suis trop... Ouais, je veux bien. J'ai un siège parce que je suis un peu...